Y'avait des rires, des routines, des visages familiers. Une cadence, des machines, des mains pour les manier. Puis les mots sont tombés comme l'hiver sans lumière. Plan Falcon, enterre nos prières, on pensait tenir encore des années. Mais le futur s'écrit loin d'ici, délocalisé. Et pendant qu'on doute, qu'on compte les jours, certains comptent les gains au sommet des tours. Vibre acoustique, ça vibre ouais mais plus comme avant. À coup de trick, à coup de bluff et à coup de sang. Les machines démontées envoyées là-bas. Pendant qu'ici c'est le vide, l'écho, l'effroi. On nous a bercé d'espoir façon douce perfusion. Mais la vérité pique, c'était déjà en discussion. On a bossé dur, on a tout donné. Pour finir dans un plan qu'on n'a pas voté. Chez Vibre Acoustique, on vibre à coups de trick. Des rêves en suspens, des départs tragiques. Plan Falcon, silence cynique. Nantes se meurt mais reste authentique. On a cru au discours, au regard complice. Mais la fin s'écrit dans le fond des notices. On vibre encore, ouais mais dans l'amertume. Et chaque pas résonne comme un coup d'enclume. Y'a plus de bruit sauf celui des regrets. Plus d'avenir ici, juste un passé muet. Chaque boulon qu'on retire, c'est un peu d'histoire qu'on envoie ailleurs, loin de nos mémoires. On a formé des jeunes, porté l'usine à bout. Et c'est comme ça qu'ils remercient les braves. Ils disent que c'est le jeu, qu'il faut s'adapter. Mais eux ils jouent pas, ils viennent encaisser. Pas juste un job qu'on perd, c'est une partie de nous. Un quotidien, une fierté, un matin debout. Alors oui, on encaisse mais on n'oublie pas. Ce goût amer d'une trahison sans voix. Vibre acoustique, dernière page du carnet. On a vibré fort jusqu'à se faire saigner. Plan Falcon, ligne droite sans détour. Mais nos silences feront plus de bruit qu'un discours. Job qu'on perd, c'est une partie de nous. Un quotidien, une fierté, un matin debout. Alors oui, on encaisse, mais on n'oublie pas. Ce goût amer d'une trahison sans voix. Vibre acoustique, dernière page du carnet. On a vibré fort jusqu'à se faire saigner. Plan Falcon, ligne droite sans détour. Mais nos silences feront plus de bruit qu'un discours.